Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, il est 19h passé de quelques poignées de secondes et vous êtes sur Osmose Radio, c'est une excellente idée. Ce soir, c'est toujours moi qui vous reçois dans votre émission Rock and New Wave. Vous êtes parti pour une heure avec Stéphane et avec mon invité ce soir, Seb de l'association Volume Brutal qui organise des concerts de métal dans les alentours d'Avignon. Et puisque justement, on va parler pendant une heure de heavy metal, on va commencer avec un classique de la fin des années 60, le groupe qui a quasiment inventé le style, tout de suite Black Sabbath. Basse avec le titre Paranoid. La voix d'Ozzy Osbourne, chanteur de Black Sabbath, dans ce prochain... Ah zut, une rechute! Décidément, le riff n'était pas tout à fait terminé. Un groupe donc métallique mais facétieux, vous l'aurez compris. À l'instant, c'était Black Sabbath avec le titre Paranoid. Et c'est un des premiers morceaux qu'ils avaient créé au début des années 60. Black Sabbath qui fait un petit peu l'actualité ces derniers temps, puisqu'ils ont fait une tournée d'adieu fin 2016, début 2017. Et ils ont fait leur dernier concert de cette tournée d'adieu, là le 4 février. Donc une belle page musicale qui se tourne avec ce groupe fondateur du heavy metal. Concert d'adieu, dernière tournée, donc malheureusement on n'aura jamais eu l'occasion de voir Black Sabbath à Avignon dans notre bien belle cité papale, malgré pourtant l'énergie que mettent des acteurs locaux dans l'organisation de concerts dans ce style musical. J'en veux pour preuve mon invité ce soir, Sébastien, bonsoir. Salut. Alors Seb, c'est ton pseudo en fait, donc je viens de dévoiler le poteau rose, tu t'appelles Sébastien, mais Seb c'est ton pseudo, disais-je, parce que vous les métalleux, vous avez toujours des pseudonymes de démons de l'Ancien Testament, tout ça, donc je sais pas, Seb, ça correspond à quoi Seb Iricon, démonoïde, non? Voilà, c'est ça, c'est mon nom d'état civil démoniaque. D'accord, oui. C'est ma couverture en fait. D'accord, oui, c'est vrai qu'à l'état civil, vu les fautes d'orthographe qu'ils font parfois, ils sont un petit peu démoniaques. Et tu organises des concerts depuis un petit peu plus d'un an avec certains associés, certains collègues, dont on a reçu certains d'ailleurs dans les studios il y a quelque temps. Vous êtes basé à Montfavet et vous avez organisé pas mal de concerts dans les alentours d'Avignon ces derniers temps. Vous vous êtes créé quand, en fait, effectivement ? Alors, la création de l'asso, elle s'est faite exactement en mai 2015. Donc, on va fêter nos 2 ans. Et voilà, on a commencé 2 ans d'activité, on va dire, et 1 an de concert qu'on vient de fêter là tout récemment. C'était hier en fait. Ben oui, parce que tu viens de m'apprendre que votre premier concert, hashtag 1 sur les flyers, eh bien c'était le 27 février 2016, donc 1 an de préparation et 1 an de célébration. Si j'ose dire, eh bien on vous souhaite encore de nombreuses années à faire la même chose. Alors vous êtes basé à Montfavet et vous êtes 3 membres permanents, en plus de tous les collègues qui vous doivent vous donner un coup de main bien évidemment, vous êtes 3 membres permanents dans le bureau de l'association, toi notamment et 2 collègues à toi. Ouais. Il y a Mathieu qui est d'Aix-en-Provence, lui à l'origine. Stéphane que tu connais bien, hein, qui est de Rognonas. Alors, je suis le seul en fait à être du Vaucluse. Steph est mitoyen, hein, c'est un voisin. Par contre, Mathieu habite un peu plus loin, mais voilà, c'est les gens qui donnent un coup de main à l'assaut pour l'organisation des concerts. Des aliens bucco-rodaniens, quoi, en quelque sorte. Voilà, des étrangers. Des étrangers qui viennent d'outre-durance. Et donc, vous organisez des concerts tous les trois. Alors, je suppose que c'est les goûts musicaux qui vous ont rapproché. Comment vous êtes rencontrés, en fait ? Alors, Mathieu, c'est un vieil ami à moi. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît. Donc, on sait de quoi on parle tous les deux. On est toujours en phase, quasiment toujours. J'ai rencontré Stéphane il y a beaucoup moins longtemps que ça. Et par contre, la mise en phase, on va dire, s'est faite de la même manière. C'est quelqu'un qui a des très bons goûts musicaux. Et excuse-moi, mais là, je suis obligé de te contredire. Il a les mêmes goûts que moi, donc il a des très bons goûts musicaux. En fait, il m'a payé pour dire ça. D'accord. Ah, zut, ok. Faux. Bon, ouais, ok. Je vous ai vendu. Mais voilà, donc l'idée, c'était de s'allier avec des gens qui ont la même vision du truc que moi. Et ça marche à merveille. Très bien, une belle symbiose en tout cas, parce que pour ma part, si je n'ai pas vu l'ensemble de vos concerts, j'ai quand même passé de belles soirées grâce à vous et j'ai fait de belles découvertes musicales. On aura l'occasion de reparler de tout ça pendant la petite heure qu'on va passer ensemble dans l'heure du loup. Et on parlera aussi plus longuement de l'association, mais tu es aussi venu ce soir présenter le concert de ce week-end, puisque samedi 4 mars, vous organisez encore une belle soirée avec 3 groupes, comme à votre habitude en fait. Vous invitez souvent 3 groupes par soirée. C'est ça, on essaie de faire des plateaux de 3 groupes, donc là c'est une première en quelque sorte. On a fait un plateau strictement heavy metal, avec pas d'autres styles, hein, vraiment. On a essayé de faire une affiche assez homogène. Donc ce concert-là s'appelle Trop Hard pour Toi, c'est une première. D'ordinaire, on a les trash bash, hein, donc c'est vraiment comme le nom l'indique, dédié au trash, au death. Parce que pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers des nuances du métal, il faut savoir que depuis 40-50 ans, le métal a eu quand même pas mal de nuances. On vient d'écouter Black Sabbath, qui est fondateur du style heavy metal, qui pour la suite s'appelait metal tout court. On peut aussi parler de hard rock, c'est notamment le nom d'un magazine spécialisé là-dedans notamment. J'espère qu'un de ces jours, ils vous consacreront quelques lignes quand même. Et donc, la soirée de samedi, ce sera donc Trop Hard pour Toi, avec un très joli flyer, avec un métalleux, et sur le fond, le symbole impérial du Japon, avec le soleil, donc ça fait rouge et noir, ça fait des gros contrastes. Très 80s, ouais. C'était le genre de t-shirt qui était porté dans les années 80 par les Hardos, hein, avec ce soleil impérial japonais. Et donc ce joli Hardos qui joue de la guitare dessus, qui est le guitariste d'Exécutor, un groupe breton qui a été dessiné pour l'occasion et qui sert de mascotte, hein, pour inaugurer cette première série qu'on espère longue, on verra, de Trop Hard pour Toi. D'accord. Et donc les trash bash, comme tu viens de le citer à l'instant, c'est plutôt des styles des concerts dans le style trash, peut-être un petit peu plus rapide, plus oui, voilà, c'est brouillon parfois peut-être, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on appelle le metal extrême. Alors j'aime pas trop cette expression-là parce qu'on peut passer des heures à disserter sur qu'est-ce que c'est qu'être extrême. Mais voilà, c'est on va dire une variante de heavy metal qui est quand même beaucoup plus dur à supporter, hein, pour ceux qui connaissent pas le style, davantage que les groupes là qui joueront samedi, qui sont vraiment dans un style heavy metal plutôt à l'ancienne, on va dire. Voilà, ouais, exactement. C'est voilà le but de ces soirées, c'est de prendre une machine à remonter le temps et de revenir dans les années 80. Voilà. Et bah, tu sais, je te jetterai pas la pierre, moi, puisque je viens plutôt d'une culture goth et black metal, notamment. Et une expression qui m'a toujours fait rire, c'est black metal dépressif. Et quand tu vois ça de loin, parce qu'en fait, pour les puristes, c'est vraiment un style en soi. Et black metal dépressif, quand tu vois ça de loin, ça fait un peu pléonasme, quoi. Donc, bah, du coup, voilà. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre pour musique extrême, metal extrême. Bah, écoute, puisqu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus explicitement des groupes invités samedi, ce week-end, mais pour le moment, on va s'en faire une idée avec le premier d'entre eux qui s'appelle Tentation. Voilà. Un groupe de Perpignan, il me semble. Tout à fait. Ouais. Un groupe catalan, qui le sont jusque dans le titre des chansons, même s'ils chantent en français. Et je vous propose justement pour commencer le titre Bruiches. Gilles. Hurlement, vous l'auriez compris vous-même de toute manière, mais Hurlement, c'est le nom du groupe qu'on vient d'écouter un instant avec le titre Guerrier. C'était enchaîné juste avant avec des franco-espagnols, en quelque sorte, des catalans, Tentation et le titre Bruichesse. Vous êtes toujours sur Osmose Radio, les amis, dans l'heure du loup avec ce soir une émission plutôt orientée métal, puisque je reçois Seb de l'association Volume Brutal qui organise des concerts de métal dans la région notamment, et notamment un ce week-end, le samedi 4 mars, dont on vient d'écouter deux groupes invités que vous pourrez voir sur scène donc samedi soir. Alors Hurlement, Guerrier, Tentation, Bruichesse, alors le nom est catalan mais en fait ils chantent en français, deux belles exceptions si je peux me permettre dans ce courant musical, puisque ce sont des groupes qui chantent en français. Je me souviens que j'ai eu pas mal de controverses parce que je suis assez peut-être un peu chauvin, allez savoir, mais c'est vrai qu'on a quand même une belle langue qui, si on s'en donne les moyens, peut très bien passer dans des chansons rock, même si ça demande beaucoup de talent d'écriture. Et en fait j'ai eu pas mal de controverses avec des métalleux notamment, qui eux, pour eux c'est absolument insupportable, inaudible de chanter du rock en français en général, et encore plus du métal, parce que c'est pas du tout la langue appropriée, ce en quoi ils ont en partie raison. Et pourtant il y a quand même des groupes qui font de belles choses dans notre langue, et tu viens d'en apporter deux preuves en l'occurrence. Je me souviens que ton collègue Stéphane notamment, c'est un thème de discorde entre nous, Stéphane qui était aussi chanteur de The Real McCoy, que j'avais reçu dans les studios d'Osmose il y a un an. Alors à propos de Tentation, ce groupe de Perpignan qu'on vient d'écouter tout à l'heure, tu as une petite anecdote puisqu'ils sont eux aussi organisateurs de concerts. Oui, tout à fait, ils ont c'est l'équipe qui est une partie de l'équipe qui est derrière le festival Pyrénéal Metal, donc qui va en être à sa troisième édition cette année. Donc c'est un festival qui est vraiment destiné aux amateurs éclairés du genre, hein, on va dire. Tu t'y rends rarement pour occuper ton samedi ou pour par curiosité. Parce qu'il y a quand même quelques heures de route sur des petites routes étroites dans oui, les Pyrénées, c'est ça ? Oui, alors pas forcément, parce qu'ils sont, c'est vraiment du côté, on va dire, méditerranéen, tu vois, mais... Mais c'est vraiment à destination de public qui est connaisseur, hein, disons les choses comme elles sont. Et donc voilà, les gars de Tentation sont derrière tout ça, et voilà, ça fait c'est une des raisons pour lesquelles ces gens-là sont actifs en plus de leur groupe, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont le respect qu'ils méritent de la part d'autres organisations sœurs, on va dire, comme la nôtre, comme Volume Brutal. D'accord. Et en plus, vu leur situation géographique, ils sont un petit peu à cheval entre la France et l'Espagne, ce qui leur permet d'avoir d'autant plus peut-être d'affluence, je ne sais pas. Oui, exactement. Même si tu dis qu'il y a des gens qui viennent aussi d'Allemagne ou de Belgique. Ouais. Notamment, alors en plus, tu m'avais précisé qu'ils ont un soutien, entre guillemets, institutionnel, puisque le maire les soutient. Hein, puis en même temps, les gens qui sont maires, qui sont en âge d'être maire d'une commune aujourd'hui, sont parfois des anciens métalleux, puisqu'ils ont été jeunes dans les années 70. Hein, c'est ça. Et comme quoi ça arrive, et tout le monde n'a pas forcément cette chance d'avoir un élu qui soutient une musique un petit peu extrême et borderline et qui peut prêter à controverse, et notamment des associations comme la vôtre, j'imagine, doivent avoir du mal à trouver des lieux où faire passer ce genre de groupe, parce que à ma connaissance tous vos concerts se sont déroulés à un lieu qui est très très bien, c'est pas la question, c'est le Bandidos MC, ouais, tout à fait, près du lac de Saint-Chamond. Exactement, un bar de bikers en fait. Ouais, c'est un chapter house, donc un clubhouse du Bandidos, alors qu'il s'appelait pas comme ça quand on a commencé. C'était le Black Block MC. Tout à fait. Et ils ont changé de nom pour tout un tas de raisons que je peux pas développer parce que je suis pas du tout connu. Parce qu'ils ont changé de gang en fait, non ? Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que ces gens-là nous soutiennent. Ce que je sais, c'est que sans eux, il y aurait rien qui se passerait, soyons honnêtes. Hein. Et ils ont la gentillesse de nous prêter ce lieu. C'est un échange de bons procédés. Tout se fait en très bonne intelligence, en très bonne ambiance même avec eux. Ils sont ravis de nous accueillir à chaque fois. Ils voient que ça déplace de plus en plus de public et que l'atmosphère, l'ambiance est très bonne, quoi. Et évidemment, je te taquinais un petit peu sur le côté biker, gang, parce qu'on parle forcément aux Hells Angels, etc. Mais pour ma barre et pour y être allé, je sais que les gens du Bandidos MC, même si c'est un petit peu intimidant d'aller dans un bar de biker où les mecs ils font tous 120 kilos, ils sont habillés en cuir, ils sont cool. Franchement, c'est agréable parce qu'ils te jugent pas à ta tête. Non. Et ça, c'est quand même pas. C'est pas quand tu vas en boîte de nuit et que tu te fais refouler pour la 12e fois parce que t'as des baskets ou quoi. Ça change un petit peu d'ambiance. C'est quand même plus agréable ce bar de biker. Laissez-moi vous le dire. Et donc, en plus, on peut écouter des musiques assez intéressantes. intéressantes, comme les groupes que vous invitez samedi soir et ceux que vous avez invités par le passé notamment. Alors, on parlait à l'instant de ce groupe Tentation que vous faites jouer bientôt dans nos contrées, qui eux aussi organisent des concerts de leur côté, mais vous aussi vous êtes une association multifacette en quelque sorte, puisque vous avez une activité organisation de concerts que vous complétez avec une activité distribution de disques. Dis-nous en plus sur ce sujet. Alors en fait, lorsqu'on a créé l'association, c'était pour se lancer dans les concerts à terme, mais surtout pour chapeauter un label qui s'appelle Triumph of Death et qui existe déjà depuis 2012, qui a vocation à éditer des productions photographiques, hein, essentiellement du vinyle d'ailleurs, parce que c'est quand même notre support de prédilection, mais aussi du CD de plus en plus. Et donc on a cette activité, il y a trois facettes dans l'asso. Il y a l'organisation de concerts qui est venue après l'édition de phonogrammes, et puis il y a aussi la distribution de productions d'autres labels en fait, qui se fait par le biais d'échanges avec ces fameux labels. Ça nous permet d'avoir un petit catalogue de quelques 200 à 300 productions à proposer aux adhérents de l'association en fait, hein, parce que bon, le principe c'est on adhère à l'association pour une somme de 30 euros annuels. D'accord. Et on a droit notamment donc à un cadeau de bienvenue, à des réductions sur les disques, à des réductions sur les concerts, et aussi à des fanzines, hein. Donc ça, c'est le fanzine, ça reste quand même un pan non négligeable de la culture métal. Ça a toujours existé, ça existera toujours, Dieu merci. Et donc voilà, on essaie quand même de... Dieu ou Satan, faudrait savoir. Hein. Alors, il est cornu et il a des sabots. Alors, je vous laisse deviner duquel je parle. C'est ma grand-mère. elle avait des sabots, mais c'était au fin fond de la Bretagne. Elle était cornue parce que mon grand-père était un petit peu volage. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que vous êtes multifacette. Alors, les fanzines, tu as tout à fait raison. Pour la radio, au niveau des fanzines radio, on va dire, on essaie de relayer les infos ce soir, notamment. Et par contre, tu parlais tout à l'heure de production CD. Alors, là, excuse-moi, mais je vais un petit peu te tacler là-dessus. Le vinyle, c'est quand même un support du passé, même si ça reste un bel objet et qui fait aussi... Il y a le côté un petit peu fétichiste des collectionneurs. Le CD, certes, est en perte de vitesse, mais il reste quand même le support principal. Et aujourd'hui, quand même, tout tourne autour du MP3. Quelque part, pourquoi ne faites-vous pas comme beaucoup de net labels, donc de labels internet, qui ont une page Bandcamp ou un site perso et qui proposent de la vente de MP3 en passant par PayPal? Parce que c'est contre ma religion. Moi, je viens d'une époque où on achetait du vinyle, on écoutait du vinyle, on achetait même des cassettes. Alors je fais souvent rire les gens parce que les cassettes, moi j'en écoute, et quand je dis j'en écoute, c'est plusieurs fois par mois, tu vois. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on a toujours l'impression que le vinyle, on dit souvent cette phrase qui me hérisse le poil, on dit « Ah, ça revient à la mode », mais en fait, c'est jamais passé de mode le vinyle. Si, pour les gens qui ont les yeux ouverts, ça a toujours existé, ça a toujours fait partie de la culture punk, culture metal, culture underground, culture rap aussi. Ou l'électro tout simplement, parce que finalement c'est grâce aux DJ, soyons honnêtes, c'est grâce aux DJ que ça n'a jamais disparu, mais ça aurait pu être le cas à une époque. Ouais, tout à fait, ça a manqué de disparaître, mais toutes ces cultures dites alternatives, c'est elles qui ont... alors voilà, on prend le métal parce qu'on en parle ce soir, mais c'est qu'une composante de tout ça. Et le vinyle n'est pas mort. Le CD, on parle du CD, mais le support d'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, c'est même pas le CD. Le CD, c'est déjà c'est un dinosaure, tu vois. C'est plutôt ce qui est digital, mais ce qui est digital, ça vient peut-être plus en complément. Tu sais, maintenant, souvent avec les vinyles, tu as une download card, tu peux récupérer l'album. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais nous, les gens qui nous suivent, qui nous connaissent, qui nous soutiennent, ils ont l'habitude de ces supports-là, tu vois, et même c'est quasiment devenu un acte militant que d'acheter un vinyle plutôt que la version CD. Voilà, le métal, c'est un lieu, c'est un style, pardon, qui a ces différents supports vraiment comme socle, hein, de la musique, et ça reste un geste fort d'acheter sa musique, contrairement à d'autres... type de musique, par exemple la variété, ou si tu prends un gamin, j'ai des enfants, tu vois, et tu leur parles d'acheter un disque, pour eux c'est incongru, c'est vrai. Voilà, pourquoi on achète, tu vois, tout est à disposition sur le web, mais le milieu métal, que ce soit les jeunes ou les vieux, il faut pas croire que c'est un truc de réfractaire au progrès, ou peut-être qu'on l'est quelque part, ou fétichiste, tu le disais tout à l'heure, mais c'est, voilà, il y a vraiment on reste attaché à l'objet, puis... que ce soit les jeunes ou les vieux, il y a cette culture quand même du support physique, et ça disparaîtra jamais. Ça, je mets ma main au feu, tout le reste de mon corps au feu d'ailleurs. Ah, mais... Je m'immole par le feu, voilà, si jamais ça change. Eh bien écoute, quand on écoute les musiques que vous passez, c'est pas une demi-moll que qu'on a, c'est plutôt une belle érection parce que c'est quand même du bon son. Et évidemment, il fallait bien que je te pose la question par rapport au MP3, c'était naturel. Mais je suis d'accord au moins sur un point, c'est qu'il y a des contraintes toutes bêtes en fait. C'est que sur un vinyle, déjà, t'auras pas de DRM. Et ensuite, tu as aussi un son plus chaud par rapport à la texture et au timbre qui convient peut-être aussi à des musiques comme celles que vous envisagez ou que vous diffusez par conséquent. Oui, c'est quand même une belle initiative, quoique un petit peu financièrement, qui doit être parfois un petit peu compliqué à organiser. Ouais. Mais bon, je vais pas te demander des chiffres, mais on se met à votre place. Voilà. Tout à l'heure, je parlais aussi de lieux de concert. Vous avez organisé quasiment tous vos concerts au Bandidos MC. Avez-vous essayé de contacter d'autres lieux pour organiser des soirées? Oui, on avait contacté l'Aquaba, donc à Châteauneuf-de-Gadagne, pour une soirée qui s'est pas faite. Alors on avait commencé à planifier quelque chose. C'est une salle qui est en demande de programmation métal. Et ils sont très très ouverts là quoi. Bah. Ouais. C'est vraiment un bon endroit. C'est peut-être un peu isolé, on va dire, avec des gros guillemets, mais quand on aime la musique, on trouve les lieux. Hein, on est bien d'accord. Ouais. On va au fin fond de la Cambrousse s'il faut. Mais bon, ça s'est pas fait pour un tas de raisons, notamment financières. Nous, hein, on est une association. On a un budget qui est quand même assez limité et il nous faut faire avec cette contrainte-là. Donc, quand on a des chiffres qui dépassent les milliers d'euros, c'est pour nous, c'est jouer à la roulette russe, tu vois. Et ça, on n'a pas envie à ce stade de l'assaut. On préfère la jouer sérieux et calme au début pour éventuellement, par la suite, passer sur des coproductions. Mais on n'a pas oublié l'idée, enterré l'idée en tous les cas. Donc les salles de musique actuelles, les fameuses SMAC de la région, ce ne serait que partie remise d'organiser des trucs avec eux. Ouais, alors avec quiconque veut aussi. Alors il y a d'autres salles, il y a les Passagers du Zin. Alors eux, je sais qu'ils font pas forcément, ils ont leur programmation à eux, mais la force qu'ils ont par rapport à l'Aquaba, par exemple, c'est qu'ils sont, ils sont pas intramuros, mais ils sont pas loin d'Avignon Centre. Et ça, il y a quelques minutes de marche. Oui. Ouais, voilà. Donc ça reste un atout pour des populations, par exemple étudiantes, qui n'ont pas forcément de véhicules. Ouais. Voilà, les moyens de se déplacer. Alors nous, on fait tout pour, tu vois, on a sur les pages, on essaie de quand les gens peuvent faire du covoiturage ou récupérer d'autres gens, on essaie quand même de faciliter l'accès aux Bandidos, parce que malgré tout, on peut prendre un bus pour y aller, mais pas forcément pour rentrer. Donc voilà, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que on ramette le maximum de monde au concert. Ça marche, ça commence à fonctionner. Petit à petit, oui, ouais. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Justement pour nous faire une idée encore des concerts et de l'ambiance de vos concerts et du son qu'on peut y écouter, je propose d'écouter un extrait, un morceau du troisième groupe que vous inviterez samedi, à savoir Silverwind avec le titre Miracle Steel. Le vent est d'argent et le miracle est d'acier. C'est un petit peu le propos du morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Silver Wind, avec le titre Miracle Steel. Un groupe que vous aurez l'occasion d'écouter ce week-end grâce au concert de trois groupes qui est organisé par l'association Volume Brutal. Ce sera au Bandidos MC à Avignon, samedi 4 mars. Volume Brutal, dont le président Seb est avec nous ce soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio, les amis. On est encore ensemble pour 20 bonnes minutes de musique métal ce soir, puisque c'est un petit peu le thème, avec l'association qui organise des concerts dans ce style musical là, et ce soir, ce week-end notamment, une belle soirée heavy metal à l'enseigne dont on vient d'écouter le dernier invité, Silver Wind, après ce qu'on a écouté tout à l'heure, Tentation et Hurlement. Silver Wind, dont on vient d'écouter un morceau du prochain album, j'ai cru comprendre. Ouais, alors ils vont sortir un album chez sur un label grec. Y a rien d'officiel encore, donc je ne dirai rien de plus, mais c'est une preuve supplémentaire que les groupes français, parce que eux chantent en français et en anglais, ils ont les deux, ces groupes français s'exportent, tu vois, et sont capables aussi d'aller trouver, hélas même, j'ai envie de dire, mais trouver refuge dans d'autres pays, alors que si la scène française était un tant soit peu attentive à ce qui se passe ici, il serait peut-être signé par un label français. Bah, disons, ça reste très underground, mais à Marseille, il y avait quand même un très bon label métal qui faisait jouer, excuse-moi, mais des groupes de Scandinavie notamment. Je ne sais plus quel était le nom de ce label français qui produisait basé à Marseille, qui produisait pas mal de groupes, notamment scandinaves. Au niveau métal, c'est une belle performance. Ah, tu veux peut-être parler de Season of Mist, non ? Voilà, merci. Voilà, c'est bon. Alors eux, oui, là, on tape vraiment dans le haut de la pile. Hein. C'est un label qui a plus de 20 ans d'existence. Et effectivement, qui a grimpé en flèche au fil des années, et qui a un roster assez impressionnant, tout un tas de groupes. Voilà, c'est une autre dimension. Mais c'est vrai que je suis assez surpris d'apprendre ce que tu viens de dire, donc à savoir que ce groupe basé à Grenoble, hein, Silver Wind, va se faire éditer par un label grec. C'est vrai que les Grecs, les pauvres, ils traversent une sale période, mais au niveau musical, ils restent assez créatifs. Hein, j'avais passé notamment le groupe de black metal Kavir il y a quelques émissions de ça, formidable. Qui a sorti un album sur un label chez eux, vraiment de black metal païen folk avec des influences, c'était assez génial. C'est très bon cas, oui. Voilà, ouais. Et donc on va rester un petit peu dans la région avec ce groupe qui nous vient de Grenoble, d'autres qui nous viennent, alors certains qui nous viennent des Alpes, d'autres qui font des Pyrénées. En grosso modo, tu fais descendre tous les métalleux des Alpages, quoi. C'est ça, exactement. Alors, pour les concerts. C'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à faire des concerts qui ramènent des gens de loin, parce que la scène locale, on va dire, elle est quand même assez limitée en termes d'effectifs, mais on a des gens qui se déplacent, qui viennent de Toulouse, tu vois, je parle du concert avec Merciless, il y avait des gens qui sont venus de Toulon, de Toulouse, de Lyon. Ah, ça fait plaisir. Voilà, donc ça déplace, tu vois, Montpellier, il y avait quand même pas mal de gens des villes alentours qui viennent, donc c'est pas un phénomène avignonnais, tu vois, où on est entre nous, on est entre consanguins et pas du tout, tu vois, c'est même pas du tout le but de... Comment t'as deviné que j'étais consanguin, t'étais gonflé, quoi. Ah, j'ai un peut-être parce que je bave que je parle de micro. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intrigué dans l'organisation de vos concerts, c'est-à-dire que vous faites jouer des groupes vraiment du cru, des groupes de la région, mais vous faites aussi venir des groupes qui m'étaient inconnus pour le coup, et qui peuvent venir d'assez loin. Mais quelque chose qui te touche en particulier, puisque tu parlais de scène locale, c'est en fait on est trentenaire quadragénaire tous les deux, et du coup on a quand même un passé et une certaine culture liée au métal et au rock en général des années 80 et 90. Et toi, c'est vrai que tu as été assez attentif à cette période musicale à Avignon, où il y avait déjà une scène assez riche finalement. Oui, alors moi j'ai débuté dans le fanzine en fait quand j'étais tout gamin, j'avais même pas 14 ans, et donc j'avais lancé mon fanzine, et ça m'a donné l'occasion de nouer des liens avec des groupes notamment avignonnais, tu vois, donc je pense à Shud qui était d'Avignon, à No Fignes aussi qui était d'Avignon, tous les deux intramuros. Et donc sur Avignon, historiquement, il y a toujours eu un fond de scène, on va dire. Il y a eu Attentat Rock, quand même, qui a été la grosse percée dans les années 80. Qui avait fait notamment des télévisions sur France 3. Tout à fait. Et qui existent encore, qui se sont reformés il y a quelques temps et qui jouent encore et qui sont même qui sont loin d'être rincés comme d'autres groupes. Il y a eu Angel Dust aussi qui faisait des télévisions, pareil, fin des années 80. Voilà, donc il y a quand même eu quelques groupes. Il y a eu Yougoth aussi dans la scène un peu plus underground. Alors oui, c'était pas d'Avignon, mais c'était du Vaucluse. Donc il y avait quand même une espèce de... Opéra de nuit à Valréas, tout ça. Ouais, pour la New Wave. Exactement, tu vois, il y avait une espèce de micro-scène. rien d'énorme, mais en rapport avec la ville, c'était tout à fait décent. Et donc, il y a quand même toujours eu une culture métal sur Avignon. Et nous, on est en train d'essayer de remettre les pièces de ce puzzle qui a été éclaté ensemble. Et on est, en tous les cas, on ambitionne, alors peut-être qu'on est rêveur, mais de recréer une scène comme il y avait à l'époque où des gens organisaient des concerts de métal dit extrême sur Avignon. Je pense notamment à Dracar, Cyril de Dracar, mm-hmm. qui avait organisé pas mal de concerts avec des. Ça nous ramène au début des années 2000, ça, non ? Ouais, mm-hmm. tout à fait. Ouais. Donc il y avait UM Paiti qui avait joué à l'époque, Impel Nazarene. Il y avait tout un tas de concerts vraiment extrêmes qui avaient lieu dans le coin. Et puis plus rien. Et c'est ce vide-là qu'on tente humblement, j'ai envie de dire, de combler. Pour l'instant, ça part bien. On va voir sur le long terme ce que ça peut donner. Mais en tous les cas, on est confiant. Mais après, il faut savoir que par la force des choses, des mouvements musicaux un petit peu alternatifs, pour le moins borderline comme ça, sont toujours animés par des bénévoles et des passionnés. Mais de fait, vous avez des boulots à côté. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as des enfants, donc tu as aussi tes responsabilités de papa, tout ça. On peut comprendre qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui décrochent. C'est même pas du découragement ou de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est la vie, c'est tout. C'est bien que ça se recycle, justement, et notamment avec votre association qui est fondée depuis un petit peu plus d'un an. Alors, on parlait de la scène locale. Quelque chose qui m'avait donc intrigué, c'est que vous faites jouer notamment des groupes du CRUS, qui est la moindre des choses pour une association locale, mais aussi des groupes qui viennent d'assez loin. Et je crois me souvenir qu'en novembre, vous aviez quasiment invité des groupes venus de la belle province d'outre-Atlantique du Canada. C'est ça. Alors, j'éviterai d'imiter l'accent québécois ce coup-ci. C'est... Tabernacle. J'ai fait une promesse. Mais donc dans on a Calis. On a eu il l'a fait. Ah voilà, je l'ai grillé, ça y est. Sacrément. Donc on a invité deux groupes canadiens donc québécois, canadiens donc francophones et donc ça c'était Cauchemar, le groupe d'Annick, la dynamique Annick et un autre groupe Occult Burial qui sont eux pour le coup plutôt des Canadiens. Alors il y a des Canadiens francophones et anglophones dans le groupe, mais on va dire qu'à majorité c'est des anglophones, ils viennent de Toronto. Et ça a été vraiment une très bonne soirée, peut-être du point de vue d'ambiance, je parle pas en termes d'affluence, mais en termes d'ambiance, c'était vraiment une soirée, c'était puissant quoi. Il s'est passé quelque chose entre les groupes et le public et on l'a ressenti, et puis on a eu des tas vraiment des gens qui sont venus nous voir à la fin en disant putain c'est génial, j'avais l'impression d'être en 85. Les gens sont ressortis en sueur du Bandidos. Et donc voilà, nous c'est ce genre d'ambiance qu'on veut vraiment. On veut des gens qui sortent lessivés quoi. On veut pas des gens qui restent les bras croisés ou qui parlent autour du bar en se foutant complètement de ce qui passe. Tu vois. Ouais. Parce que c'est ça qui est bien au Bandidos et à plus forte raison dans vos concerts, c'est qu'on boit de l'alcool et puis on transpire de l'eau. Du coup, c'est... exactement. Voilà. On a un solde positif quand on sort. Et alors c'est vrai que tout à l'heure je te taquinais sur la langue, le français, etc. Parce que c'est vrai que c'est un sujet important pour moi, mais ça l'est d'autant plus pour les Canadiens. Et quand tu m'apprends que ce groupe de Toronto, il y a des Québécois donc francophones, parce qu'ils aiment pas qu'on les appelle Canadiens. Et des Canadiens anglophones pour le coup, et que ça se passe très très bien et qu'ils font du rock ensemble, c'était quand même un bel exemple pour le coup. Voilà, alors moi pour ma part, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié un concert auquel j'étais venu et j'avais découvert un petit peu votre activité, c'était au mois d'octobre. Vous avez notamment fait venir deux groupes italiens, il y en avait un qui s'appelait Black Oath et le second, comment Reti Occulti. Reti Occulti. Donc déjà, on est bien dans le délire satanique, tout ça, qu'on associe beaucoup métal, à tort ou à raison, peu importe, et sur lequel je te taclais en début d'émission, mais ça c'est un vieux poncif. Et donc moi pour ma part, c'est vrai que j'étais venu dans cette soirée qui est un petit peu comme celle que vous organisez samedi prochain, à savoir qu'elle était dans un style heavy metal à l'ancienne, et j'ai découvert notamment ce groupe Black Oath qui m'a mis une claque magistrale, ouais. Puisque c'est des gens qui ont une petite trentaine d'années et qui ont vraiment été nourris à ces influences là, Black Sabbath qu'on écoutait en début d'émission, mais on pourra citer d'autres, et avec ce côté donc ce côté métal avec des sons très lourds, heavy metal pour bien son nom pour le coup, mais qui sont pas assommants, et aussi des ambiances un peu hiératiques, solennelles, un peu comme de la musique sacrée sauf qu'on est dans du rock'n'roll, avec limite il y aurait eu des fumigènes sur scène et il aurait eu une mitre comme le chanteur du groupe Ghost, le gars j'aurais pas été étonné. C'était vraiment vraiment un beau souvenir, Black Oath, une belle découverte pour moi. Je vous en avais passé à l'époque en octobre, je vous en repasserai sans doute, parce parce que c'est un groupe qui m'intrigue, je ne m'en cache pas. Et je vous propose d'en écouter un petit extrait tout de suite hein, pour vous traduire les ambiances un peu hiératiques et solennelles et calmes et méditatives auxquelles je faisais référence à l'instant. Un extrait de leur dernier album, Litanies in the Dark, avec le titre A Song to Die With. Je fais des bruitages à la bouche parce que Black Oath, c'est trop bien. Thank you. The Jaws of Time par le groupe Luciféricon. Luciféricon qui, malgré son nom, Kong, n'est pas du tout provençal. Ils viennent de Hollande. C'est un groupe qui peut-être un jour sera joué dans un concert organisé par Volume Brutal, peut-être, Seb. Ouais, qui sait. Peut-être à la rentrée, on est en train de travailler dessus. En tous les cas, ça travaille en coulisses. Et Luciféricon, alors forcément ça fait penser un petit peu au Satyricon du poète latin Boccace. Et justement, c'était avec un des Italiens que c'était enchaîné juste avant, le groupe Black Horse, A Song to Die With. Ça fait penser un petit peu à l'intitulé du dernier film Sin City, A Girl to Die For. En tout cas, c'est un petit peu les mêmes ambiances sombres et puissantes. Voilà, Black Horse, une belle découverte musicale que j'avais fait grâce à vous, Volume Brutal, et dont on recevait Seb ce soir. Merci d'être venu dans l'émission. Merci à vous. Et je rappelle, vous organisez un concert qui s'annonce assez bien, un concert heavy metal avec trois groupes, Silver Wind, Tentation et Hurlement. C'est ce week-end, samedi 4 mars. Et c'est 10€, c'est pas cher, venez. Voilà. Et de mon côté, du côté d'Osmose Radio, c'est demain soir l'événement mercredi 1er mars, puisqu'on organise une scène ouverte avec quatre groupes, rock et électro, qui ce sera au théâtre de la Porte Saint-Michel, 23 rue Saint-Michel. C'est juste après l'apéro bio paysan organisé par le théâtre de la Porte Saint-Michel à 19h30. Vous pouvez venir, il y a un verre offert et puis vous découvrez des producteurs locaux sympas. Et juste après, à 20h30-21h, vous venez dans le théâtre qui est de l'autre côté de la rue, et là vous avez droit à une super soirée pour la modique somme de 0€. On est encore plus compétitif que vous, Seb, et nous aussi on fait jouer des bons groupes. Tout ça, ce sera demain mercredi 1er mars. Et sinon, ce week-end, samedi 4 mars, vous avez notamment un événement aussi tout aussi intéressant, mais c'est plutôt des circassiens qui se produiront au Tri Postal à Avignon. Ce sera durant tout l'après-midi, donc vous avez une super journée samedi. Les circassiens pour vous amuser avec les gosses, etc. Dans l'après-midi, et le soir vous allez écouter du métal à Montfavet au Bandidos MC à côté du lac de Saint-Chamand. Voilà, on va se quitter, chers amis, avec un groupe là encore heavy metal, un groupe qui te tient à cœur, Seb, c'est Skeletal. Ouais, tout à fait, c'est un jeune groupe du nord de la France qui va sortir bientôt un album qui est très attendu et qui jouera, qu'on a invité à jouer le 22 avril, donc toujours pareil au Bandidos, en compagnie des excellents, non moins excellents Mortal Scepter de la même région et de Zolder Noise, nos amis montpelliérains qui viendront pas pour siroter le pastis eux non plus. Donc voilà, encore une soirée intense. Prévoyez des serviettes éponges parce que je pense que ça va suer. Et des bouchons d'oreilles parce que c'est du régal pour votre cerveau, mais ça peut être un petit peu violent pour vos cajamiels. On va se quitter avec ça, chers amis. Skeletal, Interstellar Tranquility of the Purple Entity. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera la veille de la journée de la femme. Ce sera une émission Girl Power. Allez, bonsoir mes petits loups et à bientôt. Et merci, Seb. Je t'en prie, merci à vous.